94e leçon. Stéréotype. Les Français, selon eux, sont des gens débrouillards, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids et pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple « Filer à l'anglaise » pour « partir discrètement ». Quelqu'un qui a trop bu est « saoul comme un Polonais ». Une personne que l'on attaque systématiquement est une « tête de Turc ». Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit « ce n'est pas le Pérou ». Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle « comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager. L'Italie pour y séjourner. L'Angleterre pour y penser. Et la France pour y vivre. Exercice. Elle se débrouille en quatre langues. L'italien, l'allemand, l'anglais et le polonais. Il a beaucoup trop bu. On le critique tout le temps. C'est une vraie tête de Turc. Il a été beaucoup influencé par son père. Vous gagneriez deux fois plus si vous preniez cet emploi. C'est pas le Pérou.